L'humilité, c'est un terme que l'on ne doit jamais exclure de notre vie parce que l'humilité, vous savez, je fais du radotage, je prépare ma bière maison. Je me disais un professional, là, je suis un professional, je fais ma bière maison, puis je l'ai réussi, elle est formidable, sublime, incroyable. Jusqu'au jour où. Faudrait peut-être, faudrait peut-être partir le générique et tu poursuivras ta belle histoire. Ouais. OK. On y va. Alors aujourd'hui, il faut monter le volume et humer, pas ma bière, mais la différence. Car c'est parti. Ah oui, je te le dis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! On se donne la main! On se donne la main! Comme ma fiancée, cheveux longs, cheveux. L'humilité. Toujours important. Sinon, ça vire au vinaigre. Il y a un lien, là. Peut-être pas, puisque vous ne connaissez pas encore l'histoire, mais ça viendra. Tu verras, ça viendra, tu verras, ça viendra. Alors, l'histoire commence par trois excellentes bières que j'ai faites. Scotch Ale, Blonde et puis Stout. C'était merveilleux. Pour les initiés, vous devez jubiler actuellement. Vous roulez sous vos draps, par terre, sur votre charmante maîtresse. Enfin, vous avez un plaisir fou. Pendant que je vous énumère les trois sortes que j'avais vraiment réussi à ma manière. Je ne chanterai pas la chanson « À ma manière, ma vie, je n'en ai qu'une et je la veux. » Non, je ne la chanterai pas celle-là. « Mais elle est à moi, juste à moi. » Mais ça vire au vinaigre. Pas la chanson, mais ma quatrième brassée. Pourquoi? Puis en plus, cette semaine, j'ai tombé en bas de mon lit. Pourquoi? Et là, j'ai voulu vous faire, vous diffuser une chanson de Plume la Traverse. J'ai le coffret, j'ouvre. Le plastique, pas de CD. Pourquoi? Parce que, on va commencer par la première. J'ai nettoyé ma bedaine que j'appelle affectueusement ma bedaine, mais qui est un fermenteur. J'ai nettoyé le fermenteur, mais je n'ai pas défait la goupille du bas. On va faire une histoire courte, là. Et en ne défaisant pas la goupille, il y a des bactéries logées à l'intérieur de ça. Qui dit bactéries, dit une bière qui vire au vinaigre. Pour ça que je vous ai dit vinaigre. Ah, le lien, le lien! Et puis donc, je bois actuellement une stout, une autre stout que j'ai réalisée, mais qui a un goût de chiotte. Mais je ne veux pas l'acheter pour deux raisons. La première, c'est que j'ai 44 bouteilles. Elle est quand même ingérable. Elle est gérable. Moi, je suis ingérable, mais elle est gérable. On peut la gérer. Hein? On peut la mettre dans le verre, puis elle ne sortira pas. Mais il faut faire attention. J'ai fait appel, madame. Mademoiselle et monsieur, à 56 soldats. Pas un, deux, là, pas en plomb, là. 56 soldats, des vrais soldats, là. T'sais, c'est pire que la GRC, ça, là. 56 soldats. Mais là, bien endoctriné, là, à vérifier si ma bière sort du verre. Là, j'ai dû expliquer, bien sûr, à nos valeureux amis que c'est pas des verres là, pour jouer au golf, là. C'est pas des verres, un tapis vert, là. C'est des verres, le verre. Ni le verre de terre, là. Un verre pour boire. V-E-2-R-E. Bon, certains en mettent trois, là, mais plus il y a de verres, plus vous pouvez rajouter des R. Ne vous gênez pas. Si vous voyez une série de verres, bon, dites V-E-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- S, mais oui, S, mais juste un S. Mettez autant de R au vert, mais un seul S. Comme ça, le puriste reviendra uniquement sur la mitraille de R et non pas sur la finalité des S. Plus important de mettre un S final que 50 millions de R entre le VE et le ES. C'est-tu assez clair, ça? Ma bière goûte le vinaigre. Bon. Comme je fais deux fermentations dans l'espace d'un même moment, c'est-à-dire en un mois, j'embouteille 88 bouteilles, j'ai fait la même anomalie avec la deuxième bedonne. La deuxième bedonne, mais qui n'est pas la même sorte de bière. C'est de la stout. C'est pas de la scotch ale, c'est de la stout. Peut-être j'ai dit scotch ale tantôt, de la sorte. Peu importe, les deux ont un goût de vinaigre, mais à des densités acceptables. Puisque la stout a un goût de sucré vers la fin, là. Elle est bonne juste là, la, les deux dernières gorgées. Ah oh, oui, c'est bon, mais c'est vers la... Hein, c'est comme... Oui, comme une relation sexuelle, madame, mademoiselle, monsieur. Vers la fin, là. C'est là que c'est bon, c'est le goût, ah, c'est merveilleux, je suis aux oiseaux, fait comme un oiseau, la vie était... C'est comme ça. C'est incontrôlable, les papilles jouissent, les yeux se retournent au blanc, tu te dis, voyons donc, que se passe-t-il, suis-je en transe? Eh mais oui, après autant de douleurs vinaigrées, le sucre arrive, l'explosion de glucose et de caramel. Hein. C'est vraiment un goût caramélisé, pour ne pas dire sirupeux, qui vous font jouir sur toute la grandeur de votre bouche. Et croyez-moi, oui, moi, il y en a de la grandeur là-dessus. Ah, Saint-Tabarouette. Là, aux deux semaines, là, j'ai décidé, parce que, tu sais, l'âge n'aidant pas, j'ai décidé de... Ah oui, ma grippe va très bien, mon rhume va bien, je m'en suis sorti à peine. J'ai encore des petites muqueuses là, qui... Ouais, émotives. J'ai la muqueuse émotive, ouais. Ben, moi, donc j'ai dit moi, mais c'est encore, ça c'est des relents. Relents, c'est des relents, parce que c'est un médecin lui, relents. Relents, c'est des relents, hein? C'est dérangeant après presque deux semaines et demie, ça va, comment ça va durer? Jusqu'à la fin de mes jours, mais au moins je suis plus vers le bas que vers le haut, moi là. J'ai descendu, je descends la pente actuellement. Je peux pas vivre jusqu'à 100 ans. Ma grand-mère est morte à 93. Tu 93, grand-maman? Grand-maman, hey, on va la faire entrer dans notre émission, dans notre micro. Grand-maman! On va appeler grand-maman. Grand-maman, elle est pas là. Elle doit jouer aux cartes. Elle joue aux cartes. Grand-maman, triche pas, grand-maman, hein? Elle trichait pas, elle. Non. C'est un mot beaucoup trop violent pour elle. Disons qu'elle arrondissait sa réalité. Hein? Elle amenait vers elle la chance, même si la chance n'existe pas. Elle vampirisait les bonnes cartes. Puis là, tu sais, c'est... Tu penses pas qu'une bonne grand-mère comme ça peut tricher aux cartes, là? Donc, tu la regardes, tu ris, tu chantes avec elle, hein? Oh, entre 4 par 4, on fera pas du talon, on fera pas du talon, la dessinée, la rose au bois, dame de pique, oh, OK. Hey, c'est bon, grand-maman, dame de pique? On fera pas du talon, on fera pas du talon, quand le garçon est bien, c'est pour y voir tout ça. Moi, j'ai trois de coraux. C'est beaucoup plus faible, hein? Oui, mais grand-maman, t'es ma grand... Ouais, t'es meilleur que moi, toi. T'as de l'arrière-âge, hein? Ah, bon, l'arrière-âge. Ah, c'est beau, hein? On appelle ça dans la vie... Exact, de l'acquis, ouais. On peut pas l'enlever. Ça, c'est de l'acquis, ouais. Jamais de retirer de l'acquis. Sauf l'acquis, oui, parce que si ça cuit trop, c'est pas marrant. Ça, c'est caouche. Shooter. Patron de shooter, c'est shooté. Non, c'est caoutchouteux. Et ça, pas de shooter. Non, c'est, je voulais dire caoutchouc. Non, M. Borman, non, c'est vrai qu'on l'a engagé, hein. Il y a trois semaines. En fait, pour vous dire la vérité, c'est ma fille. L'Oxane. Elle trouvait tellement beau. Ouais, elle voulait le voir à toutes les semaines. Le seul moyen, Rénal, papa, j'ai le moyen. C'est de l'inviter à ton émission, puis c'est un bon man. Il va te servir des verres. T'aimes ça, les verres? Oui, mais moi, c'est les verres. Avec des airs. Un soleil, ça met des airs. Mitraillette. Je sais pas. Hey, arrêtez pas ça, ok? On va ouvrir. Oh, on va ouvrir, oui, excusez. Je perds ma langue française. On va ouvrir. on ouvre pas, nous. Ben quoi, non, on ouvre. On va nous voir. Si on ouvre trop grand, on va nous voir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça par la garçonnière, non, par la mitraillette, par la mitrailleuse, par la vicieuse, par le trou, le petit trou qu'on. Sur les plaines d'Abraham, là. Il y a plein de petits trous par la justicière. Une chanson de Bachon qui dit ça. Hein, mon Dieu. Par la fourmilière, non, par la... Hein, ben non, c'est par le... En tout cas, l'endroit où on glisse uniquement un fusil pour pouvoir tirer. par la meurtrière. On appelle ça une meurtrière. Merci Alain. Alain est avec moi. En parlant d'Alain, c'était même pas prévu, là, mais en fait, j'ai un, comment t'appelles, une rétrospective. Non, c'est une compilation. Puis sur cette compilation-là, il y a plein de chanteurs et chanteuses, dont un que je viens de vous amener par les ondes radiophoniques et surtout par les ondes astrales, Alain Bachung. C'était pas prévu, là. Je vous le jure, madame. Le juge. Madame la juge. Bijou. Te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, Bijou. Le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujou. Oh, oh, oh. Bijou, bijou, y'a des feux rouges partout. Et puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne, à mes cols de chemise, pas de baleine. Oh, oh, oh. Pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Oh, oh. Te réveille pas surtout. Je pourrais pas dire au revoir ce matin, j'ai pas le bambou. Putain, ce que t'as été belle quand tu te mettais à genoux. Oh. Faire du bruit, juste un café et c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh, oh, histoire de lit. Bon. Oui, j'ai des histoires. Oui, oui. J'ai pas peur de le dire. J'ai une belle histoire qui a pour thème mon lit. Pas le lit, mais mon lit. C'est rien d'intime. C'est bizarre, hein, parce que le lieu le plus secret pour certains, c'est le lit. Chut! On fait visiter tout l'appartement, sauf la chambre à coucher. Sinon, ça insinue. Ah ben, c'est ça, là. Je fais visiter ma cuisine. Elle est belle, hein? Hey, ça, là, c'est mon nouveau frigo. Frigo rococo. Frococo, rococo! Tu fais juste rococo! Puis si t'as plus d'œufs, elle te pond des œufs. C'est nouveau. C'est sur le marché depuis 2 semaines. Là, vous allez vous dire sans doute qu'il y a des poules au-dessus du frigo. Go-go, frigo, go-go, frigo, go-go! Non, il n'y en a pas. Non, c'est des œufs que que le fabricant a placés. Bon éternellement. Parce qu'il sait que l'éternité, c'est long, hein, s'il vous plaît. C'est bon éternellement. Et non, c'est pas des œufs à la coque, là. C'est des œufs soi-disant frais. Vous allez dire comment ça peut être frais? Pas trop vous dire la recette, là, mais c'est comme pré-congelé. C'est un peu comme Walt Disney. Tu sais, c'est pré-congelé parce qu'on dit que Walt Disney, c'est un bonhomme. Est-ce que c'est son vrai nom, Walt Disney, en tout cas? C'est le bonhomme qui a donné le nom Walt Disney. Là. C'est Walt Disney, M. Disney. Bon, M. Disney, il est gelé. Lui. Il est gelé, ben, Justin Trudeau voulait faire une rencontre avec M. Disney. Il n'était pas capable, il était trop gelé. Trop gelé, même Justin, il était amusé à traîner le micro, là, tout le monde est testé, était assez testant, c'était merveilleux, belle rencontre, silencieuse. C'était le plus beau moment, là, c'est, on a un extrait, Raymond, avons-nous un extrait lorsque M. Trudeau a rencontré M. Disney? Le meilleur, ouais, le plus croustillant, s'il te plaît, on y va, OK? Et puis là, on tient à vous dire, madame, mademoiselle, monsieur, Errance Rénadienne n'a pas peur de vous envoyer un scoop. La rencontre de deux grands. M. Trudeau. M. Disney. Un moment inédit et surtout croustillant de la rencontre. On y va. N'est-ce pas incroyable? Ils n'ont pas placé un mot, le silence en dit long. Les journaux en parleront demain, oui, certes. Mon nom sera nommé. J'irai devant, sans doute, tous les médias sociaux, asociaux, anarchistes, pamphlétaires, libéraux, non pas libéraux, libérez-nous des libéraux, comme disait un rappeur, un groupe de rap chez nous, pas de chez nous ici, chez nous où j'habite, là, mais chez nous dans mon pays qui est le Québec. On entend plus parler de ce beau groupe qui a fait un album qui s'appelait « Amour oral ». Et mon histoire, parce que là, quand j'ai dit amour oral, je me suis arrêté. Il y a plein d'images dans ma tête. Et lorsque je suis tombé, ah oui, c'est ça le frigo qui pond des œufs. Ben, il pond pas des œufs, si t'en veux, tu fais il va t'en descendre. Plus tu fais rocococo, c'est pas comme des vers, là. Faut pas que tu fasses des tu fais rocococo, c'est une maison de fou, là. À un moment donné, non, mais en un mot, c'est une maison de cinglés. Je me sens très à l'aise là-dedans, moi. Ah, très, très à l'aise. Fait que là, tu fais rocococo, puis à chaque rocococo deux fois, il descend un œuf. Alors, l'histoire, c'est comme Sésame, ouvre-toi. Mais moi, c'est Suzanne, ouvre-toi. Non, c'est rocococo, rocococo, un œuf. Rocococo, rocococo, un œuf. Mais là, tu dis pas un œuf. Sinon, tu vas te rendre à Tombouctou. Ça m'a coûté 99$ de la minute pour faire rocococo, croyant que... Parce que mon téléphone, ben mon réfrigérateur a aussi un téléphone intelligent. Il y a tout là-dedans. En tout cas, je te présente mon frigo. Tu peux pas insérer la main. Il n'y a pas de main. Pas encore. C'est pas la version. Non, ils vont en faire des nouvelles. Là. Mais pour le moment, c'est sans main, sans pied. 100 pieds de long, 200 pieds tantôt. Et puis, là, j'ai ma cuisinière. Pas celle qui me prépare des bons repas, mais la cuisinière. Là, le four. Le four, là, hein? C'est un beau four. Et tu peux faire dans ce four-là des pizzas. Des pizzas sur four de brioche de non, c'est de taloche. Four de taloche. Mon doux, moi, la cuisine, à part la saucisse tranchée mince, là. Ah, moi, je me fais trancher la saucisse mince. Ah, je suis souvent à l'hôpital à cause de ça, moi. Ah oui, parce que c'est tellement mince, c'est comme du spaghetti. Mais c'est cru, là, la saucisse. C'est pas cuit comme du spaghetti. Fait que le filament veut pas descendre. Genre, t'essayes d'appeler. T'essayes, mais ça reste collé. Mais en fait, ça reste entre le gorgoton et l'intérieur de ton... Tu sais, ça... Oui, tranquillement, oui, vous avez raison. Tranquillement, vous le digérez, mais il y a encore un bout qui est en haut de la bouche. Fait que c'est une digestion, une semi-digestion. Semi-digestion. Fait qu'à l'hôpital, ils sont en oral-bol. Ils disent, arrêtez de prendre des saucisses tranchées mince. Si vous êtes le seul à prendre des trucs, c'est du saucisson, vous me demandez. Du saucisson, pas de la saucisse, du saucisson. Parce que les saucissons, c'est tranché vers l'horizontale. Puis votre mot de saucisse, c'est tranché à la verticale. Non, c'est l'inverse. Vos saucisses, excusez-moi. Vos saucisses. Moi, j'ai pas de. Non, j'en ai pas qui me souffle quand je me trompe. Les saucisses, c'est à l'horizontale, puis les saucissons, c'est à la verticale. Pour ça, vous êtes toujours rendu à l'hôpital. Restez chez vous! Mangez convenablement, soyez propres! Arrêtez de nous. Ah non, elle rentre en morse. Nous. Ça y arrive, ça. Quand elle est contrariée, elle fait nous. En tout cas, je vous présente ma cuisinière. Et puis, elle a un four pour pizza, mais un four sur lit. Non, pas sur lit, four sur... Four, toi, là. Des briquettes, c'est des briquettes. Ah, quand tu fais cuire ça, ça sent bon. Hein? La steak sent bon, la pizza sent bon. Ça sent bon, ça, tout sent bon. Ça sent bon. Et puis, je peux pas vous montrer la chambre à coucher. Ah ben non, c'est personnel. Ben oui. Puis c'est pour juste rebondir sur mon histoire de lit lorsque je suis tombé, là. Parce que pour moi, il y a une journée dans la semaine que je ne peux pas prendre en considération comme étant une semaine normative ou normale. Parce que je l'haïs. Je l'aime pas. Je veux qu'on la chasse du calendrier. Et puis, juste pour vous dire ça, c'est que non. Quand j'ai foutu le camp, c'était pas lundi. C'est lundi, dans mon lit, les 11 heures, mal au cœur, mal dormi. La radio, trop c'est trop. comme j'haïs le lundi, je vous l'ai dit, imaginons-nous, ah oui, allongés, avec l'imaginaire à son zénith, et cette chanson... Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye. Avec paille. Avec paille. Ese señor guay. Sous le soleil du rail, le souvenir m'assaille. Aïe aïe aïe. Il y a des couillonnes qui parlent d'extradition, mais pour moi, pas question de payer l'addition. Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles où que j'aille. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye. Avec paille. Et c'est Seigneur le Boy. J'ai gardé de mes batailles, croix gammée et médailles en émail. Et toujours ces couillons qui parle d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition. J'ai ici de la camaille qui m'obéit au doigt et à l'œil. Avant de vous raconter cette fabuleuse histoire du mec qui tombe du lit, il faut se l'avouer. Non, on va la faire jouer après. Ça me donne une bonne idée, hein? OK. Pas trop de chansons. Jude, mercredi. Excusez-moi. Mercredi. C'est comme la chanson, hein? Lundi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit: puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Mardi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit: puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais là, moi, j'étais pas prêt à me faire serrer rien. Moi, j'étais non, je suis un arien. Donc, comme dit Judith Paf, non, rien de rien, non, je n'ai rien de rien. Mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Mais j'aimais ça la dire, cette version-là de mon interne. Et puis, excusez-moi, j'ai la garlotte qui chatouille. Et puis, mercredi. La nuit de mercredi à jeudi. Je me couche. Aux petites heures du matin, comme d'habitude. Les petites heures, c'est quelle heure tes petites heures, mon Renal? Mes petites heures! Excuse-moi. Mes petites heures! Ça sonne, hein, ça plafonne. Mais il faudrait que je baisse un peu le son du micro, en tout cas. Mes petites heures, moi, c'est 3 heures du matin. Du tronc, c'est 5 heures. Moi, c'est 3 heures. 3 heures du matin, commence à regarder du coin de l'œil là, mon lit. Fait que là, j'y vais. Elle m'accueille. Elle aime bien ça. Elle fait des clins d'œil. Comme Skippy. Là. Fait que j'embarque dedans. Là, le reste, ça reste dans mon intimité personnelle à moi tout seul. Et puis, je m'endors. Rapidement. Là, en moins de 2 heures. Le pire, c'est que c'est vrai. Je me tourne, croyant que j'étais, parce que moi, mon lit a 30 pouces. C'est un lit sur mesure, ça, c'est pas une blague, parce que je voulais l'encastrer. Je dors pas dans une chambre, moi.

comme une chanson de Jacques Brel. J'arrive, Estelle! J'arrive! Non, mais il faut que je vous raconte un peu. Oui, je suis tombé. Je suis tombé de bas. Un petit lit 30 pouces. Normalement, c'est 33. 33 pouces? Non, tu prends les 33 tours, t'es toute mêlée. C'est 36 pouces. Un lit, c'est 36 pouces. Le règlement, c'est 36. 33, là, toi, c'est 30, c'est très, très petit. 30, très, très petit. Puis en même temps, c'est bien parce que t'as maigri, hein? Ah oui, c'est comme les frites, quand t'es rendu papillon. Non, c'est pas papillon, c'est papillotes. Juliette, Julienne. T'es rendu Julienne. J'espère que va devenir Julienne Gréco, la bonne chanteuse Julienne Gréco. J'arrive, la bonne Julienne Gréco, elle est bonne, elle est bonne. Bon, en parlant de bonne, j'ai une très, très, très, très, très bonne amie à vous proposer aujourd'hui et la semaine prochaine. Et c'est là que je pars la cassette. Dans ma tête, j'ai plein de cassettes, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça dépend lesquelles. Quelqu'un m'arrive, puis je travaille dans un marché de quartier. Puis on me reconnaît parce que, entre guillemets, j'aime bien discourir sur la bière. Et il y a des clients, des clientes qui me voient. C'est facile, hein? J'ai les lunettes bleutées. Non, ils voient un gars qui a une lunette bleutée. Ah, hey, t'as-tu une bière à me proposer? Là, je pars la cassette. Là, vous aimez la blonde, la rousse, la foncée, la fruitée, la cidulée? Hey, là, sont perdus. Il y a trop de termes. Je dis, non, mais normalement, qu'est-ce que vous buvez? Ben moi, je bois de l'eau, hein, mais pas de l'eau d'ici, c'est de l'eau, une glace de l'eau, pas de citron, rien, là, réglo, là, tablette. Non, mais tablette, c'est pas de glace, hein. C'est une expression québécoise qui veut dire une bière tablette. Si vous demandez une bière tablette, c'est une bière à la température pièce. Bière tablette, parce que dans les tavernes, toutes les bières étaient sur les tablettes. Quand on disait, moi, je veux une bière tablette! Il prenait une bière de la tablette, la servait à monsieur. Monsieur, il goûtait. Ah, oh, c'est bon, m'a payé! Alors, il goûtait la bière, il trouvait ça excellent, donc il passait à la caisse. Il y en a d'autres qui faisaient la caisse. Hein? Après 5-6 bières, oh, un peu, moi, là, là. Mais dans le temps que je bouillais, je sais, mon parler, on comprend pas. Mon parler, moi j'ai un parler, moi. Vous avez un parler. J'ai un parler, vous parlez. Ben je parle, oui. Vous parlez. Ben je parle et j'ai un parler. Mais j'ai un parler, ça existe pas. Ben comment ça, j'existe? Oui, oui. J'ai un parler. Ben oui, vous avez un parler, mais on n'appelle pas ça. J'ai un parler. J'ai une façon de m'exprimer. Ouais. Oh, mais j'ai parlé aussi. Non, mais c'est oui, mais c'est similaire. C'est similaire! Similaire, similaire à Siri. Donc, connais pas ça, la musique. Non, c'est pas une note de musique similaire. C'est semblable. Et là, je l'ai perdu. Il est parti, en tout cas. Mais là, l'invité que je vous propose aujourd'hui et la semaine prochaine, je ne l'ai pas perdu. Au contraire, je l'ai ici, presque à côté de moi. Quel vénard, le mec! Aujourd'hui. Les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Cessons sur la chaussée, cessons. Laissons, cessons pas. Ne cessons pas l'émission, s'il te plaît, ne cessons pas. Ça fait déjà 45 minutes que le train passe, il doit durer à 120 minutes. Ne cesse pas, non. Ne cesse pas, non. Ne t'arrête pas, tu verras, la totalité arrivera, mais ne cesse pas, ne cesse pas, ne cesse pas, ne cesse pas. Moi, je t'offrirai Estelle Maillard, revenue d'une amitié qui ne se fait plus. Estelle Maillard. Alors aujourd'hui, bref, ah oui, attendez. Hein? Je fais ma prière. Au nom du Père, du Fils, qui est du fin Pespin, Mesmis, Mesnis, Mesner, Meschem. Ouais. Ah, ça va bien. Ah ouais, ça va bien. Je mange mes trois pas par jour. Ah oui. Ah, on est à l'air en Seine-Nadienne. Oui, laissons ça à la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en marque de direction. Gestionnaires, à mon avis. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour de notre invité, bien sûr, Estelle Maillard. Qui est-elle? Nous allons l'apprendre dans quelques minutes. Alors, place à mon invité. L'animateur? Non, lève le rideau. OK, le rideau rouge. Le rideau rouge et noir. Comme à l'Olympia de Paris. À l'Olympia de Paris. À l'Olympia de Paris. Et laissons entrer mon invité! Oui, monsieur. Ouais, OK. On va le laisser rentrer. Et la semaine prochaine aussi. Donc, voici Estelle Meilleur. Le meilleur est pour la semaine prochaine. Oh, il voulait pas la dire, mais il l'a fait. Non, non. Le meilleur est aujourd'hui et dans cette dodo. Tombez pas en bas du lit. Tombez pas en bas du lit. Si vous tombez en bas du lit, c'est que... C'est que c'est lundi. Mais comme nous ne le sommes pas directement, puisque c'est un lundi pas fictif, mais comment t'appelles ça? Cybernétique. Ça compte pas. Alors, trêve de discours. Trèfle de dérapage. Voici l'incroyable. La femme aux mille vies et l'humble Estelle Maillard. Ne parle pas trop. Ne demande pas trop. Il est 10 heures dans ma vie. Je voudrais déjeuner. Ne viens pas dans la chambre. Moi je suis étrangère. Je joue à regarder le ciel sans trop m'en faire. Mon cœur est basané. Comme une enfant du sud, j'ai tant veillé partout. Je cherche des lumières. La ville est pleine de joie. Quand j'aimerais pleurer, ce sont des larmes en fleurs, des larmes si légères. Septembre, à ses amours, ses habitudes et toi. Si je veux demain, en sortant du café, que septembre revoie cet unique baiser de ta main, de tes yeux, de ton cœur sur mes doigts. Je suis assez femme pour le vin en toi. Ne te tourmente pas. Il fait trop froid pour un malheur. Le clair du jour sur toi pose sa liberté. J'irai tout consoler, je suis une femme entière. Mon voyage est secret comme une poupée de verre. Ce soir je vais t'attendre. Si tu dois revenir, les parfums de l'été rentreront dans la chambre. La porte ouverte, enfin à ce que j'aime. Un papillon viendra nous embrasser. Septembre, à ses amours, ses habitudes et toi. Si je veux demain, en sortant du café, que septembre revoie cet unique baiser de ta main, de tes yeux, de ton cœur sur mes doigts. Je suis assez femme pour le vin en toi. S'il existe une terre où venir en toi, je t'aurai dans les yeux comme un doux souvenir pour avoir sous la main la vie recommencer. Si je suis impatiente, n'aie pas peur de m'aider. Défais toute la nuit mon vêtement de rêve, tu peux sourire à peine. Septembre, à ses amours, ses habitudes et toi. Si je veux demain, en sortant du café, que septembre revoie cet unique baiser de ta main, de tes yeux, de ton cœur sur mes doigts. Je suis assez femme pour le vin en toi. septembre, à ses amours, ses habitudes et toi. Si je veux demain, en sortant du café, que septembre revoie cet unique baiser de ta main, de tes yeux, de ton cœur sur mes doigts. Je suis assez femme pour le vin en toi. Septembre, à ses amours, ses habitudes et toi. Si je veux demain, en sortant du café, que septembre revoie cet unique baiser de ta main, de tes yeux, de ton cœur sur mes doigts. Je suis assez femme pour le vin en toi. Septembre, à ses amours, ses habitudes et toi. Si je veux demain, en sortant du café, que septembre revoie cet unique baiser de ta main, de tes yeux, de ton cœur sur mes doigts. Je suis assez femme pour le vin en toi. Septembre, à ses amours, ses habitudes, et toi. Bonjour. Ah, c'est vous, hein? Oui, tu m'as vu. C'est là, c'est là. Oui, c'est là. Non, mais oui, c'est ça, mais je tu regarde. Tu m'as vu dans le reflet. Exactement, exactement. Enchanté. Alors, comment ça va? Écoute, ça va. Oui. On répète comme des fous en ce moment. Bonjour. Bonjour. Moi aussi un jus d'orange, s'il vous plaît. Oui. Sans glaçon. Pas de glaçon pour vous. Merci. Donc, tu te prépares à... Donc, ouais, là, c'est pour théâtre. OK. Et je suis avec Kiri. Ah oui? Ouais, ah, on oui, répète oui, toutes oui. les deux. Ah, ouais, c'est une pièce de... C'est une pièce de Joël Joanneau. OK. C'est un espèce de conte philosophique, tu vois, c'est un, une louve qui trouve un petit bébé dans la neige. Et c'est tout le chemin de cet enfant. C'est une réflexion sur la culture ou le dressage et notre état naturel et qu'est-ce qui est tordu ou non par le fait d'être éduqué. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est vraiment... c'est académique. Ouais. Est-ce que c'est une pièce pour enfants ou... Oui, c'est tout public. Ok. Donc, il y a des maquettes, tu vois. Moi, je fais la louve, du coup, il y a tous les peuples des loups. Oh. Avec Kiri, on chante aussi beaucoup. On est un peu les dames nature qui font avancer l'histoire. Moi, je suis la narratrice. On t'approchait sur cette pièce-là comment? Pourquoi? En fait, j'avais joué au théâtre de l'Odéon l'année dernière. C'est une belle salle. Ouais, c'est une belle salle. Je faisais la Reine des Fées. Et là-dedans, cette metteur en scène est venue me voir. Elle m'a écrit après, tu vois, en me disant ben voilà, je cherche quelqu'un. Et j'ai dit bah oui, très bien. Puis tu la connais un peu puisque tu as travaillé avec. Donc, c'était la première fois. Okay. Là, c'est la première fois que je travaille avec elle. Ouais. Et c'est de fil en aiguille. En fait, c'est un rôle qui t'en a fait procurer un autre. Donc exactement. Ah, c'est intéressant. Mais dans le théâtre, c'est souvent comme ça. En fait, on te voit, c'est des petites familles. Mais si on touche pas aussi, c'est parce que tu chantes. Ça aide souvent. Souvent, c'est vrai qu'ils cherchent un être qui puisse faire les deux. Parce que c'est vrai qu'on me fait souvent chanter dans les spectacles, j'adore. Mais toi, quand tu fais des pièces de théâtre, tu mets à l'abandon un peu la chanson ou... Écoute, ben, vraiment, par exemple, ce truc de la Reine des Fées, c'est la première fois presque que je chantais plus que je ne jouais. Okay. Parce que c'était donc le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et c'était le chant de Purcell, tu vois, Britten. C'était appuyé sur les grands auteurs qui ont composé des variantes. Ouais. Et pour traiter le monde magique, Oberon et Titania, donc le roi et la reine des fées, étaient traités par la musique. Donc on faisait vraiment, merci, comme à l'opéra, tu vois, avancer la narration par le chant. Mais j'adore en fait, moi ça me plaît beaucoup les croisements, j'aime bien les choses assez complètes. Mais la musique est-elle préenregistrée? Oui, il n'y a pas de musicien sur scène. Là, il y avait un pianiste. Okay. Dans la prochaine pièce. Là, il y aura Kiri qui sera à la guitare. Et on fait beaucoup de choses avec des bourdons, tu vois, on est cinq. Et vous êtes cinq sur scène? Ouais, on est cinq sur scène. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites comme des canons. Donc tu vois, beaucoup de choses a cappella ou à deux voix. Ou sa guitare, elle le transforme aussi en instrument augmenté. Donc ça devient un petit clavecin. Tout d'un coup, grosse guitare électrique. Et on fait du Vivaldi, genre Cum Dederi, tu vois. Cum Dederi, doudi. Sur du gros... Combien de représentations vous prévoyez faire de cette 45. Ah, c'est bon. Ouais. C'est très bien. Ouais. Plus c'est affinité. Plus, en tout cas pour l'année prochaine, c'est 45. Parce que tu vois, pour le théâtre, tu sais un petit peu à l'avance. En mars-avril, t'as les plannings qui se préparent pour l'année d'après. Donc, tu te prépares à faire ça à côté de ta carrière musicale? Voilà. En même temps, je sais déjà aussi je sais pas mal de dates déjà pour la musique. Je fais une résidence la fin juillet et début septembre au Centre Barbara, FGO. Oui, c'est bien ça. C'est super. C'est bien. Du coup, on fera un gros concert le 11 octobre pour la sortie, tu vois, de la résidence. Et on fait les tremplins aussi. Il y a pas mal de choses à l'automne, de rendez-vous un peu importants. Alors, ça roule beaucoup pour toi? Ça roule bien, ouais. Mais lorsque tu prépares un concert, un disque, comment tu te... Écris-tu beaucoup pour pouvoir avoir beaucoup de chansons aussi? Tu fais ça au fur et à mesure? Je fais ça au fur et à mesure. Tu vois, j'ai vraiment commencé à composer... il y a 4 ans, moi je viens du théâtre à la base, j'ai fait le Conservatoire National, enfin tu vois, on a commencé à me faire chanter dans... J'ai une maman qui fait du chant, qui est chanteuse lyrique, donc tu vois, qui a une voix soprane, légère. Donc pour moi, son domaine, c'était à elle, le chant. Tu vois, moi j'avais ma voix avec... Tu l'as entendu, donc t'as été un peu inspirée. Ouais, c'est ça, j'ai toujours chanté dans ses concerts, dans ses groupes de chant. Et c'est vraiment au Conservatoire où j'avais des cours de chant, des cours de chant lyrique. J'étais très émue à chaque fois, j'étais en larmes quand je sortais des cours parce que ça me remuait beaucoup, c'était archi intime. Et on a commencé à me faire chanter dans les spectacles. C'est l'âme un peu la voix. C'est l'âme. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est le trésor, quoi. Exactement. C'est la vibration même avant les mots. Effectivement, ça vient de l'intérieur. Ouais. Donc toi, ce qui te touche, c'est vraiment la sensibilité. Et puis c'est surtout la transmission. C'est pouvoir exprimer... Tu vois, tout ce qu'on porte en soi par la beauté, le besoin de la beauté. Et que comme si les mots ne suffisaient pas, comme un air ou la tendresse d'une voix, ou la déchirure d'une voix, ou la puissance rajoutait au sens. Et donc tu te le prends de plein fouet, quoi. L'émotion que ça peut susciter, une voix chaude, une voix fêlée. Tu vois, même Janis Joplin qui a une voix si... Tu l'entends, tu pleures. Ou toutes les femmes d'Amérique latine, tu vois, Mercedes Sosa, moi c'est des femmes qui m'inspirent beaucoup. Mais lorsque tu écris, est-ce que c'est des histoires que tu as vécues ou c'est les mots qui amènent les idées? Comment tu écris tes textes? Ça dépend en fait tout le temps. Par exemple, tu vois, il y a une chanson qui s'appelle « Pour toutes mes sœurs ». Oui. Ça, c'était, j'étais au Maroc, on était à Meknès. Et je me suis sentie très... Ouais, puis très Meknès, c'est une ville très traditionnelle. J'étais en robe, je me sentais vraiment très déshabillée des yeux. Okay, ouais. Je me sentais un peu dénudée, tu vois. C'était le moment en plus, tu sais, il y avait Much Love, le film. Ouais. Il y avait un travesti marocain qui avait été lynché à Fès. C'était un été très régressif pour le féminin. Et je le sentais dans l'air pour la liberté. Et j'étais à la gare et... Je me rappelle, il y avait une femme qui était, tu vois, voilée de là à là. Et son amoureux buvait des coups et elle pouvait pas boire parce qu'elle avait pas de bouche. Et je te jure, je suis rentrée dans mon hôtel et j'avais une déchirure, une solidarité de mes sœurs. J'avais l'impression d'avoir envie d'un chant qui libère. Et j'ai vraiment commencé à « Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime », quelque chose de la liberté qui exigeait. Donc, c'est sorti tout seul à un jet de quelque chose qui t'a impressionné. Ouais. Puis j'avais presque envie de faire du rap. J'avais presque envie de... Putain les gars, mais on est vos sœurs, bordel. Qu'est-ce que vous faites quand on est dur avec les femmes, on fait ça à soi-même. Rouvrons. Tu vois, c'était quelque chose comme ça. Alors tu es féministe? Très. En fait, je suis vraiment pour le peuple des femmes, quoi. Je trouve que je suis pour la sororité. Les chansons que tu veux offrir, c'est des chansons impliquées, des chansons à texte? Pas forcément. Tu vois, je pense que je fais des choses aussi. J'aime aussi, par exemple, je pense que je suis aussi une grande mystique. J'aime faire des prières, j'aime ouvrir, j'aime penser à un concert, en fait, comme une cérémonie. J'aime que les gens arrivent dans leurs états de la journée et que vraiment ils fassent tout un voyage de transformation où tu te sens pas seul. Tu te sens uni au tout. Mais toi, sur scène, essayes-tu de rechercher la transe? Ah oui. Oui. Transporter par... Oui. Sortir de... atteindre des dimensions plus grandes que l'humain. Être plus large. Invoquer. Est-ce que c'est tellement fort, tellement intense que après le concert, tu te rappelles plus de certaines choses? Bah après, c'est bizarre parce qu'en même temps, je suis dans un état d'archi-conscience. Tu vois, je me sens en très très grande acuité. J'ai l'impression de sentir, tu vois, aussi exactement où en est le public, s'il faut beaucoup lui parler. Aussi. Quand même, à fond. De moi aussi, j'essaye d'arriver exactement à l'endroit où j'en suis et de faire le chemin en même temps. J'ai l'impression que c'est une alchimie tellement mystérieuse entre ta couleur, la couleur des gens dans la salle, la couleur de l'énergie du jour. Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que c'est un jour de joie, est-ce qu'il y a une mélancolie, aussi mes musiciens, comment on s'harmonise tous les trois et d'essayer d'avancer vraiment tous les trois main dans la main à la rencontre de ce qui est, tu vois. Est-ce que tu t'obliges à écrire ou tu attends que quelque chose arrive? Ça dépend. En fait, souvent quand même, ça vient par une nécessité. Quand je dis « allez, j'écris quelque chose », souvent je suis pas très contente. Mon amoureux est un homme bien, mon amoureux me veut du bien, mon amoureux sent le romarin, mon amoureux ce magicien. Mon amoureux est beau et brun, il a des jolies petites mains. Mon amoureux a les yeux verts, il me regarde tout en clair. Mon amoureux met des chemises blanches, parfois il remonte même ses manches. Il me caresse les fesses, alors je suis pleine d'ivresse. Mon amoureux me fait bander, mon amoureux sa volupté, mon amoureux ma liberté. Mon amoureux lit l'équipe, parfois j'avoue que ça m'irrite. Mon amoureux est soupolé, mais il parle très bien anglais. Mon amoureux veut pas mourir, mon amoureux a peur de vieillir. Mon amoureux a lu Shakespeare, mon amoureux ce grand sourire. Joconde, mon amoureux me rend féconde, il me fait femme, un monde, un monde, le monde. Pour l'instant, dit le photographe, pour l'instant. Nouveau paragraphe, retenir les choses est invraisemblable. À ce piège-là, suis imperméable. J'aime le soleil sur l'eau des rivières. Ça fait des étoiles très involontaires. Je suis la volute, la fumée dansant. Et ma trajectoire se lit dans les fables. Les beaux présents sont des golfes clairs et insaisissables. Nos plus beaux présents, ce n'est que pour l'instant. Pour l'instant, dit le philosophe, pour l'instant. Joli titre pour un best-of. Revenir bien sûr est toujours possible.

qu'il y ait un élan. Soit, ou qu'il y ait un déclencheur. Ouais. Soit une joie ou un air, ou soit la chanson Lune d'argent. Et je me rappelle, j'allais à Port des Lilas à pied, il y avait une lune toute pleine. Et je chantais juste Lune d'argent. Il y avait juste cet air, j'avais envie comme d'honorer la lune. Mais ça, quand ça t'arrive, cet air-là, est-ce que tu l'enregistres? Ah ouais, j'ai tout le temps, j'ai un dictaphone. Okay. Donc j'enregistre. J'enregistre, mais tu vois, j'ai des milliards de petits débuts de mélodie. Après, je reprends. Ou... Et quelque chose de fort, je tire son fil. Ou des fois, il y a des poèmes, il y a aussi des fois des choses que j'ai envie de dire. Il faut que ça sorte, sorte, sorte, sorte, sorte. Que tu lis, exemple, un texte que tu veux mettre en chanson? Souvent, c'est mes mots. Parce que j'ai des carnets de mots, tu vois, où j'écris dans, comme dans un mon journal. Tu... C'est ça que j'allais dire. Écrivais-tu un journal lorsque tu étais plus jeune, adolescent? Depuis enfant, toujours. J'ai mes premiers cahiers de mots, j'ai genre 5 ans, tu vois. Des dessins, 5, des 6 ans. Comme ça. Ah ouais, des dessins, genre. J'avais moi, j'ai grandi près de la forêt, à côté de Fontainebleau. Et tu vois, j'avais un grand jardin, j'avais un arbre dans mon jardin. Donc, mes premiers cahiers, c'est genre. Mon arbre, il s'appelait Morgane. Donc, tu vois, j'ai toujours eu, je pense, un rapport un peu ritualisé au monde, de moi-même. Tu nommais les arbres, tu nommais les fleurs, ouais. Tu leur donnais une vie. J'avais des lapins, j'ai ma lapine quand elle est morte. Je fais un grand rituel, je l'ai enterré dans la terre, j'ai mis des boutons d'or, je chantais des choses. J'ai coupé de ces petits poils que j'ai gardés. Mais tu vois, j'avais un rapport déjà, je pense, mais qui vient pas de mes parents, je pense, quelque chose de... Intérieur. Ouais, intérieur. Un besoin de sens. Je pense aussi une hypersensibilité. Donc un besoin de honorer le monde, sa beauté, les animaux. Tu vois, un rapport tendre et de sens. Et est-ce que c'est les mots souvent qui t'amènent des idées ou c'est la vie de tous les jours? Je crois que c'est les mots. Et en même temps, par exemple, des émotions. Je pense que je suis quelqu'un de très émotif, très éponge. Donc par exemple, si je sais pas, je vis quelque chose d'une vraie intensité avec des êtres, ou comme un peu une cérémonie, ou prier, et que je sens qu'il y a une espèce de plénitude, de densité, ou au contraire une déchirure, tu aimes quelqu'un, puis les choses ne peuvent pas se faire pour certaines raisons, se compliquent. Où tu n'arrives pas à atteindre cette complétude, où tu en descends. Parce que je trouve que c'est des fois ce qui est difficile dans le fait d'être humain. C'est l'impression qu'on cherche constamment une espèce de plénitude et on s'en défait, puis on y retourne. Il y a un équilibre qui se déséquilibre tout le temps. C'est cette espèce de... Qui est près de petites morts qui ramène à des résurrections. C'est ça. On passe notre temps à mourir et ressusciter et naître et avoir des extases, puis des défaites. Et je trouve que l'art, la littérature, la poésie, et le reflet. Et puis surtout nous aide. Nous aide à tenir la vie, quoi. À la supporter, à la sublimer, à l'honorer. La première chanson que tu as écrite, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans. Est-ce que tu vois une progression de ta première chanson? Ah oui, bien sûr. Même musicalement, ça se complexifie quand même. Les deux premières chansons, il y en a une, c'est une prière que je fais plus, c'était « Dieu, si t'es vivant, dis-moi, comment vivre en toi ? Dieu, si t'es vivant, dis-moi, comment vivre ?» Tu vois, c'était une incantation. Et la deuxième, je la fais toujours, c'est la chanson de la louve. Okay, oui. Ces femmes qui courent en toi, vas-y lâche-toi. C'était un truc un peu de sauvage, libération sauvage. Donc c'était comme des gros caillots, je pense, c'était des choses assez importantes. Puis après, c'est comme ouvert un robinet de s'autoriser à chanter. Et la dernière, tu vois, c'est Cantique, celle que je fais toute seule au piano. Même de pouvoir m'accompagner seule au piano, c'est un chemin. Est-ce que c'est la dernière chanson que tu chantes parce que ça fait intimiste? Ça fait un peu... toute la scène, tranquillement. Donc tu te mets au piano avant de prendre la vie. Est-ce que c'est la dernière chanson que tu fais sur le spectacle? Souvent, ou souvent, parfois j'en fais une aussi. Là, je crois que t'es venu le 29, toi. Non. Ah, je pensais que t'étais venu au concert. Non. Ah. Non. Ben, souvent, la dernière chanson que je fais, elle s'appelle Le Chant des Étoiles. Et c'est... Non, je suis arrivé le 29. Ah, d'accord. Du coup, je me suis dit, peut-être tu connais Kiri, donc t'étais venu. Kiri, oui, je le connais. Mais oui. Ah oui, mais je suis pas allé au spectacle. C'est pas grave. Okay. Donc, tu sois terminé avec. Et une chanson qui s'appelle Le Chant des Étoiles, là, c'est un texte qui n'est pas de moi, c'est un chant des Indiens Passamaquoddy. Ah oui, merci. Et c'est un chant de rituel de passage pour les jeunes femmes à la femme, tu vois, à la puberté, à la femme qui accomplit, et aussi pour les âmes qui partent. Et le texte est magnifique, il dit « Puisque nous sommes des étoiles, puisque nous chantons, puisque par notre lumière nous chantons, puisque nous sommes oiseaux de feu, puisque nous déployons nos ailes dans le ciel, notre lumière est une voie, nous traçons un chemin pour l'âme, pour le voyage qu'elle accomplit dans l'existence, c'est le chant des étoiles. » Et Estelle, tu sais, ça veut dire étoile. Donc je pense que j'ai quelque chose, dans mon nom, je pense que j'ai eu cet appel toujours d'une transcendance. D'avoir cette conscience qu'on est un petit bout de l'univers. Mais pas poétiquement, réellement. Tu vois qu'on est ancien, quoi. Et t'as combien de chansons à ton répertoire? Et après, j'en ai une trentaine. J'en ai une trentaine, mais il y en a qui me conviennent plus. Tu vois, que je trouve sympathique, que j'aime, pour lequel j'ai du respect, qui font partie du chemin, mais que j'ai moins de plaisir à refaire, ou je suis contente de les avoir fait un temps, mais je sens qu'elles sont passées, tu sais, comme un habit qui était un petit peu petit maintenant. Est-ce que tu travailles souvent pour faire un disque, ou si tu prépares des chansons pour faire des concerts? Bah, en fait, je pense que comme je viens vraiment de l'art vivant, c'était quand même l'idée toujours de la cérémonie, du partage. Et c'est comme si à l'endroit du théâtre, il y avait un endroit qui ne me suffisait plus. Parce que je trouve que dans le chant, en tout cas dans la façon dont je viens de faire un concert, il y a une dimension que je ne peux pas trouver au théâtre. Il y a une dimension personnelle, d'une façon d'officier, qui m'arrive que dans cet instant-là. Mais en fait aussi, à force qu'il y ait un public, tu vois, de plus en plus nombreux, de gens fidèles, disant « j'aime cette chanson, je la chante en boucle, je voudrais t'écouter », il y a l'idée du disque qui germe. Et là, on prépare pour mars prochain, avec les éditions Archimbaud. En plus, je suis heureuse parce que ça lie les deux. Archimbaud, qui est éditeur de livres, m'a proposé, parce qu'il aimait beaucoup les textes, les poèmes, les nouvelles que j'écris, de faire un livre-disque. Donc il relirait aussi, tu vois, les deux, qui soient un objet beau, littéraire, poétique, rêvé. Alors tu veux que tes écrits soient dans ce livre-là et le disque. Ça sera les deux. Avec des photos? Avec des dessins. Que tu vas faire? Non, qu'un ami à moi qui s'appelle Chen Jianhong, qui est un peintre chinois, que j'aime infiniment, qui est comme un ami de ma famille, vraiment, qui fait des dessins très très beaux à l'encre et qui a une poésie... Ouais, encre de Chine, il fait des chaussures de la soie. Donc je voudrais que ce soit un objet, tu vois, très... Très luxueux. Ouais, raffiné, un petit talisman, quoi, un petit bijou. Et l'enregistrement, tu fais où? Tu fais quel endroit? On va faire ça au studio Les Migrants Hilar. Okay. C'est un endroit où travaille beaucoup mon pianiste, Grégoire Letouvet, qui lui est vraiment compositeur, tu vois, a aussi tout un groupe de jazz qui s'appelle Les Rugissants, où ils sont 15 cuivres, enfin, tu vois, c'est un type incroyable. Et il a un studio donc à Fontenay, qui est un endroit incroyable. Tu peux prendre ton temps là-bas, parce que c'est pas une location, donc ça coûte moins cher. Voilà, puis on est chez des amis, quoi. Ok, alors vous vivez là, vous vivez quelques jours là. Voilà. Ah, ça c'est bien, ouais. Parce que la communauté, vous vous levez le matin, vous travaillez sur le disque, vous mangez un bon repas. On fait un pique-nique, ah, oui, on rigole. Bien, ça. Ah, ça c'est bien. On prend le temps de parcourir. C'est vrai, puis ça fait des disques tellement humanistes, tellement enrichissants, que c'est pas juste se trouver un local, tu payes cher, un peu c'est froid. Rapide, c'est rapide, ouais. Ouais, exactement, il n'y a pas d'âme, ouais. Tu veux créer. Et combien de chansons que tu veux placer sur le... Pour le livre, il y en aura 5. Ça sera seulement 5. C'est un EP. C'est un EP, exactement. Et puis là... Ben, en fait, j'ai des manageuses là depuis janvier qui sont super, qui s'appellent les Majorettes, dont Carole Chichin qui est à Tadouzac, oui, que je t'ai, oui, oui, oui, que oui, je t'ai parlé. Oui. Du coup, elle m'a dit, oh super, enfin, elle te connaissait, elle voyait qui t'étais, elle connaissait ta radio. Mmh. avec ta bouche pure purine, duchesse venimeuse et les pulsions divines de tes muqueuses. Je me pends à ta robe de framboise et de sel, toi satanique, moi Job, ton enfant. Tes deux ailes. Oh mon amour de feu, dans les avenues vides, sous les avenues bleues, Paris, les Invalides. C'est la nuit, comme toujours, que j'aime ta douceur. Toi, ma lune, mon jour, ma nana, ma liqueur, tu coules à corps, à flot, ma fille, mon matelot, tu enfonces tes mains dans mon gosier, tes reins. Oh, mon amour de feu, dans les avenues vides, sous les avenues bleues, Paris. Les Invalides. Tous les deux, toi et moi, mon aimé et ma fragile, nous trouverons la voie d'un cocon, d'un asile que personne ne comprenne, et à toi sur terre je suce toutes tes peines. Ma beauté, ma rivière. Ma beauté, ma rivière. Oh mon amour de feu, dans les avenues vides, sous les avenues bleues, Paris, les Invalides. Depuis bien longtemps, ma vie en bois guitare m'a fait chanter pour la Trinité. Faut pas oublier Sainte Cécile, qui c'est maman toute musicien. Fanatique de tes patients, y'a pas demandé qui côté m'teye. Mon cher Bekin, sauf fin comme ça. Aïe aïe aïe aïe aïe. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Pat la maon. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Mon dit ou mouen pas ton exil. Koutouteye kavani beken, koutouteye. C'est la pensée pour nous. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Oui, mouen retourne. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Yon si bel métier qu'on s'en gagne la même. Comment t'as voulu pour me faire l'abandon? C'est pas tout le monde qui a joué don. Ça c'est donc pas mon bon Dieu bon moi. Crise politique fait mon petit silence. Je m'ache dit m'va chanter encore. Non non non, non c'est pas vrai. Mais posez une question. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Oui, non, moi pas ton exil. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Non, moi pas la maon. Koutouteye kavani beken. Pensez la pensée pour nous. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Me retourner. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Oui, moi connais bien beken son sérum qui porte solution pour toute couche sociale. Quelle que l'en soit nationalité ou des boutons de m'faut consoler. Cette fois-ci vérité sous tambour. Siffle l'ambim, crie avancer. Pour ton nouvelle sérum pour nous, même médicaments. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Moi pas ton exil. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Moi pas de la maon. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Pensez la pensée pour nous. Koutouteye kavani beken, koutouteye. Aïe, moi retourne. Koutouteye kavani beken. kabali beken koto teye. Oui, courir une nouvelle gaye, la Miami aussi moi mouri. Fanatique dit non, ça c'est menti. Dernièrement, t'avais la Haïti. La cour New York, relè moué. Qui nouvelle, ça n'a pas tendé là. À Paris, dix femmes tournées chantées. Qui démouèlè. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. On dit tout moué pas ton exil. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Tout moué pas la marron. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Pensez à penser pour nous. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Aïe, me retourne. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Me retourne. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Ne m'en pas ton exil. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Ne m'en pas la marron. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. Pensez à penser pour nous. Cototéye, Kavali, Biken, Cototéye. D'avoir vécu le cul sur l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre. Le long des jours heureux, pour faire des vieux os, faut y aller mollo. Pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul. Savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Down, down, down, down. righteous. We wriggle up me ways, spawn the dribble and the bay. Righteousness and wisdom, I take over the place. We can wanna run, but they find no escape. The lyrics are timing, but fresher than the Colgate. Listen to the rungs, I hope you appreciate me. Try to keep your head above the water, yeah. Try to keep your head above the water. Just because the vibe is clean. So brothers and sisters, I beg your rock and come and talk with you. Only you can make your dream all come true. Only you know exactly what to do. Your dream will come true. Play by the king's son, Brandeto International. Try to keep your head above the water, yeah. Try to keep your head above the water, hey. When they put you down, they're not gonna make you drown. Love me full of joy, me full of happiness. Long time me know me, God bless. Job by my side, so you know me can't stress. Me wiggle up me waist, spawn the dribble and the bay. Righteousness and wisdom, I take over the place. We can wanna run, but they find no escape. The lyrics are timing, but fresher than the Colgate. Listen to the rungs, I hope you appreciate me. Try to keep your head above the water, babe. Try to keep your head above the water. Avec les filles aussi, elles sont merveilleuses. Tu vois, elles ont mon âge. C'est des filles qu'on fait beaucoup de cette programmation, de booking, qu'on dévie et qu'on choisit trois artistes qu'elles aimaient pour aussi vraiment les lever parce qu'elles les aiment, tu vois. Donc il y a quelque chose de pareil, de très familial, de très tendre entre nous. Et puis c'est touchant parce que sur les trois, tu en fais partie. Ouais. C'est touchant. Ouais. Je te dis pourquoi moi, un peu comme. C'est vrai que t'es honoré, tu te sens compris. Mm-hmm. Ouais. Choyé, compris. Est-ce que tu veux... Soutenu. Effectivement, oui. Est-ce que tu veux faire une chanson expressément pour le EP? Ou si c'est déjà préparé, tu veux... J'aimerais bien faire pour toutes mes sœurs. Je pense que ça serait quand même un peu déraissante. Il y aura le cantique aussi. Tu vois, parce que toutes ces chansons-là, elles n'ont pas encore de support pour, par exemple, le public, pour être écoutées. Donc pour toutes mes sœurs, on prépare aussi un clip qui sortira aussi pour mars, pour la journée de la femme. J'ai filmé 50 femmes de ma vie, 50 femmes que j'aime, des actrices, des réalisatrices, des amies, des sociologues, des chanteuses, des femmes que je trouve belles. C'est déjà à moi. C'est déjà, on a déjà filmé, donc c'est 50 femmes. Donc on a des heures et des heures de rush. Dans un principe... Mais comment t'as fait pour raconter Alors on est au c'est tout début du montage, le principe était le même, c'était comme, Andy Warhol il faisait ça dans la Factory, il filmait les gens un temps, une minute en silence de face. Nous avec mon amie Véronique Kay, avec qui on a déjà fait un clip La Gitane, on faisait venir les amis dans le studio de Véro, Et on leur disait, enfin, je leur disais, venez comme vous vous sentez, absolument la plus belle, comme une reine, très simple, très parée, ou comme vous voulez. J'avais chacune un rendez-vous d'une demi-heure. Il y avait un fond noir et on les filmait, tu vois, en plan américain, okay, ouais, ou gros plan, enfin selon chacune sa beauté, on faisait des cartes. Ok, c'est vous autres qui choisissiez. Voilà. Et je leur faisais peut-être 5 ou 10 minutes de silence. Donc il y avait pendant les 30 minutes, qu'est-ce qu'ils disaient? Bah, au début, c'était juste un regard. Après, je leur faisais faire un animal, un cri. Donc il y avait des rires, des fois de l'émotion, se toucher le visage, faire une prière, danser sans parole. Et ensuite, une fois qu'elles étaient dans cette grande comme ça ouverture et don, on passait la chanson qu'elles ne connaissaient pas et elles la vivaient comme elles voulaient. Donc t'as des femmes en larmes, t'as des femmes en guerrières, t'as des femmes qui dansent, t'as juste des visages. C'est un préparatif à la chanson. Tu les plaçais un peu, ouais, pour la chanson. Exactement. Et la vidéo, c'est toutes ces femmes-là qui vont réagir à la chanson. C'est ça. Le clip, ça sera donc un montage de ces 50 femmes. Et pour la journée de la femme, FGO, justement, nous accueillera, fera une exposition des 50 portraits de ces femmes. Parce qu'il y a la plus petite à 6 mois, la plus âgée à 88 ans, c'est des femmes de toute origine, tout âge, toute couleur, toute beauté, toute chevelure. Enfin, tu vois, il y a vraiment... C'est vraiment l'aspect. Chacune est si belle, tu vois, vraiment la beauté... espèce de... c'est fou aussi, je me dis, tu vois, dans 20 ans, il y a ma mère, enfin, tu vois, c'est vraiment les femmes de ma vie. Donc c'est aussi un témoignage, je trouve, même, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, de témoignages d'une vie artistique d'une époque, et puis des femmes de ma constellation, tu vois, de femmes, ça me touche beaucoup d'avoir fait ça. J'ai beaucoup pleuré pendant ces... Oui. J'étais tellement émue. C'est beaucoup d'émotions. Ah, ouais. Et tu vis constamment sur l'émotion. Bah, des fois, j'essaie de rationaliser un peu, tu vois, parce que sinon, qu'est-ce que c'est? C'est des grands océans. J'essaie aussi de trouver, tu sais, par aussi, ouais, la prière, la méditation, un équilibre qui fait de ne pas être... Enfin, forcément, ouais, chavirer. Mais en même temps, c'est vrai que je pense que c'est... On a tous nos dons au monde. Mais je pense que c'est sûr que ma sensibilité, c'est une de mes lectures du monde. Et lorsque tu prépares, comment tu prépares une pièce de théâtre, tu mets ton côté de chanteuse, comme je l'ai dit au début, de côté, si tu peux faire les deux parallèlement à ça? Bah, par exemple, tu vois la Louve, justement, la Louve, dans sa... elle chante beaucoup. Parce qu'on se disait comment on traite un animal, et en même temps, c'est une figure de conte archétypale, c'est la mer sauvage, la Louve, aussi comme dans Mowgli, ce fantasme d'être ou Romulus et Romulus, c'est le mythe de Rome. Être... Et donc c'est pareil, la tendresse, c'est quelque chose qui ne soit pas humain, on le trouve par le chant. Donc je vais encore aussi beaucoup chanter dans ce spectacle. Et c'est ce qui te rend joyeuse, parce que tu lis l'art dramatique et le chant, donc c'est épanouissant. C'est... Ouais. Et surtout des enfants, tu vas voir des enfants, la compréhension des enfants, c'est tout à fait sublime, parce qu'eux ne mentent pas. Ouais. Ils sont totalement authentiques. Et c'est du coup une pièce d'à peu près 40 minutes. Je pense que ça durera une heure. Oui, c'est quand même assez long. Ouais. Ça sera des enfants d'à partir de 10 ans. Ah, ok, ok. Tu vois, parce qu'il y a quand même des scènes même un peu difficiles. Okay, juste de... parce que là, une heure, c'est beaucoup. Ah bah ouais. Ça sera, okay. Ouais, ça sera à partir de 10 ans. Ok. Et tu commences quand, cette pièce de théâtre? Écoute, là, on est en répétition. Les premières seront début octobre. Ok. Puis, une fois que les répétitions sont terminées, mais il me semble que c'est loin, septembre, octobre. Alors là, on a encore 2 semaines. Ensuite, on reprendra seulement en septembre, tu vois, pour la dernière lancée, quoi. Ok. Ouais. As-tu appris ton texte? Est-ce que c'est difficile pour toi d'apprendre les textes? Bah, écoute, ça dépend des textes, parce que tu as des textes qui te semblent très simples et proches de toi. Tu as des textes vraiment où tu as des évidences. Là, c'est un texte qui est un peu comme une transe aussi cyclique, tu vois, je répète beaucoup « Sur l'île du maître, à l'abri du temps » ou « Dans la forêt du jadis, à l'abri du temps », c'était avant. Il y a des espèces de choses de répétition comme ça qui avancent. Donc il faut être, enfin, tu vois, assez en acuité, parce qu'il y a une mini modification, mais ça avance comme ça. Je comprends. Et tu as des textes, par exemple... Il y a une subtilité dans le texte. Ouais. Victor Hugo, là, je jouais la Tisbée dans Angelo Tirampadou, c'est en tournée, c'est par exemple Hugo, j'ai une espèce d'adhésion immédiate à la langue, je la comprends, en tout cas, l'insolence de l'humour, ça c'était assez simple pour moi de l'apprendre, parce que Je trouvais ça tellement flamboyant, j'avais vite envie de la posséder, quoi, dans ma bouche. C'est quand même un des... c'est un bon... du bonbon, c'est quelque chose. Ah ouais. Mais... quel souffle. Le ouais. souffle, le ah souffle. Ouais. Tu as vraiment... t'es levé par le texte, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et pour la pastille de 5 disques, de 5 chansons, est-ce que tu veux écrire spécialement une chanson pour... Oui, j'aimerais. Il y en a une là qui est en cours. Ah oui? Ouais. Et ça prend combien de, pour toi? Ça, est-ce que c'est long écrire? Est-ce que c'est long faire une chanson? Franchement, ça dépend. Il y en a qui sortent en 3 fois, c'est fou quoi. Là, il y a une chanson qui s'appelle Mon petit amour, qui est une chanson. Ça fait Mon petit amour est mort, mon petit amour est mort, mon petit amour est mort, je t'aime. Mon petit amour est mort, mon petit amour est mort, mon petit amour est mort, je l'aime. Un matin d'automne, vaste et gris, j'avais le mal au cœur, le mal de lui. La terre entière chantait, la vie, la vie, la vie. Mon cœur lui disait, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Celle-là, elle est venue en 1h15, quoi. Elle est terminée? Ouais, elle est terminée. Elle est sortie tout de suite. Il y en a où il y a des... il y a une chanson qui est en alexandrin. Et puis même, tu peux faire ça à capella, puis... ouais, ça suffit. Ouais. Dans sa nudité, celle-là, on l'a fait juste guitare-voix, très très nue. Ouais, ouais, ouais. Je commence toute seule. Et les gens, tu vois, m'en parlent beaucoup. Ouais. On me dit, oh, mais celle-là. C'est vrai parce qu'elle coule. Elle coule. Puis elle est tout près du cœur, quoi, qu'il y a quelque chose de tout nu, simple. On voit le sentiment. Et tu travailles vraiment de plus en plus, tu es reconnu de plus en plus, ça oui. doit te faire plaisir, ça doit être parce que tu as beaucoup travaillé, c'est pas venu, c'est pas un cadeau, là, c'est... Non, puis en plus au début, je pense que c'était aussi, tu vois, comme un luxe, j'étais actrice, tu vois, j'ai jamais eu besoin de chanter pour vivre, enfin tu vois, j'avais mon métier d'actrice, mais c'était tellement, en plus c'était tellement presque fort, enfin tu vois, mes premiers concerts, je tremblais, je pleurais, c'était tellement... Et tu me traqueuses aussi? Ah bon? En même temps, c'est marrant, j'ai l'impression qu'une fois que je suis rentrée, ça y est, la barque part et on prend la mer. Mais avant, je dis, mais est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je... Ouais, t'as peur de pas y arriver. Ouais, tu entends la fébrilité du public aussi. Oui, et puis il y a une attente. Alors souvent, j'ai réussi à comprendre aussi que par... ça m'aide, parce qu'au début, je voulais tout de suite créer du lien très fort avec le public, rapidement. Que les gens se sentent chez eux immédiatement. Et en fait, j'ai trouvé que ça m'aidait de poser un univers assez fort. Notamment, là, les derniers concerts, j'ai commencé par un poème qui était enregistré, qui dit « Il ne faut pas que tu bouges, il ne faut pas que tu respires, pas encore. Il faut que tu restes là, assise. » J'ai dispersé les routes, j'ai semé les poteaux indicateurs. Il n'y a plus que le monde, le ciel, entre toi et tout. Tu vois, comme indiquer qu'on rentre dans un autre univers poétique, même le fait que je sois pas là, que ce soit une voix off, je trouve que ça permet d'être, tu vois, dans c'est le creux de l'oreille. C'est une chose, exactement. C'est un début d'une création d'un monde. Silence méridien que l'on fait en s'aimant. Voyez comme la pluie se sépare du vent. Dans mon muscle se forge une chair nouvelle. Il pleut dans les vallons comme il pleut dans mon ciel. Ce matin se prépare pour une longue route. Mon cœur dans la nacelle est paré pour la joute amoureuse et nuptiale au sein de la forêt, dans la froideur du givre, se tressent les secrets. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont grands quand meurent les géants. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont blancs quand s'arrête le temps. Des faunes m'ont porté sur un grand lit de feuilles. Ils m'ont fait boire 100 jours aux scansions de l'orgueil. Ils chantèrent pour moi la louve et les grands cerfs couronnèrent mon front. De branchages amers, j'ai dansé des nuits folles dans ma charogne éparse. J'ai dévoré ma peau, mes os, ma carcasse. Je fus portée en reine sur de vastes sarments, et de mes doigts ouverts tombait la pluie, la foudre, le froment. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont grands quand meurent les géants. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont blancs quand s'arrête le temps. J'ai foulé sous mes pieds ma grande chair ouverte. J'ai déposé mon corps sur la desserte. Des sabots sont poussés au bout de mes chevilles. J'avais dans mes yeux creux la saveur des myrtilles. La lune dans sa cage était ronde à mon cœur. Je l'avais embusqué, ma captive et la peur la froissaient. L'astre s'est penché de sa sève argentine dans mon thorax, hémorragie de lune galatine. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont grands quand meurent les géants. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont blancs quand s'arrête le temps. Cent jours s'ennuie encore cette messe de sang pour la dévoration de mon armure d'enfant. Je frappe au sol, je hurle au ciel, la lune ronde roule entre mes deux seins. Il frémit un monde nouveau, terre violée. La nuit travaille en nous pour votre éclosion. Les faunes luttent et le carnage et la rouge bataille pour qu'à nos poings se lève un nouveau pavillon. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont grands quand meurent les géants. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont blancs quand s'arrête le temps. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont grands quand meurent les géants. Lune d'argent, dis-moi pourquoi tes yeux sont blancs. S'arrête le temps. Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regarder passer le temps. Sur une île du Pacifique, la nuit leur donna deux enfants, un curieux et un sympathique. Qui écoutait passer le temps. Le premier toujours en retard, l'autre debout tous les matins. Le premier a pris la guitare, l'autre étudia politicien. L'inspiré resta au village, il devint simple musicien. Le pressé parti en voyage pour se faire oublier des siens. L'a étudié 10 ans à l'université. L'a étudié comment manager les gens. L'a étudié comment marche la planche à billets. L'a fait un petit coup d'état, monter son petit gouvernement. Y'a qu'à danser, la main nous donne du poisson. Y'a qu'à danser,